Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit là tout de suite avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent Histoire vivante. Il y a plus de 400 ans que les Français sont arrivés au Québec. Les colons ont continué à exploiter une terre qui ne leur appartenait pas. Il y a plus de 200 ans que les Anglais ont défait les Français sur les plaines d'Abraham dans la ville de Québec. Nous n'avons pas vu de victimes. Les enjeux liés aux relations avec les Premières Nations n'intéressent personne au Canada. Cette semaine, politique et grandes étendues. C'est un pays de western un peu. Liberté et reconnaissance. Nous nous comparons toujours avec les États-Unis. Un continent méconnu. Le chef du Parti libéral du Canada, notre premier ministre. La fonction cinématographique est inscrite dans la loi canadienne. Il y a plus de 100 ans que le Canada est devenu un pays qui englobe le Québec. Le Canada ne chie pas sur le Québec. Alors, Obama, c'était super. Maintenant, Trump, c'est différent. Ça va pas être la même chose. Vive le Québec libre! Quand nous sommes-nous parlé la dernière fois, Gilles Gaillat? Alors en fait, on a failli se parler il y a 2 ans, mais c'était mon collègue réalisateur Guillaume Perrier sur Erdogan, le président turc. Et on s'est parlé il y a quelques années sur l'Iran. Iran, la bombe. La bombe, qu'ils n'ont donc pas faite. Cela dit, quand on regarde je ne sais combien de films, vous dites 50, 60, 80... Oui, on ne sait autour plus. De 60. Autour de 60, oui. En multipliant des genres nouveaux, variés, puis des professions aussi nouveaux, variés. J'ai regardé qu'il y avait aussi une page, certes ancienne aujourd'hui, d'enseignement, et puis un travail évidemment après qui passe par le format court et puis qui s'allonge au fur et à mesure. Alors moi j'ai vraiment eu un parcours classique de réalisateur à la télévision. J'ai commencé effectivement par des formats courts et puis j'ai augmenté. Je crois qu'aujourd'hui, mais pour des raisons plus institutionnelles d'ailleurs que d'apprentissage, on passe directement au format long pour des raisons financières. C'est-à-dire que les formats courts sont plus très bien financés, donc c'est plus facile presque de financer des formats longs. Donc c'est vrai que les jeunes réalisateurs, on les met tout de suite dans le grand bain. Parfois, ça marche, et parfois, c'est un peu plus difficile et rame un peu plus. C'est pour ça que l'enseignement, c'est hyper important maintenant. Je ne l'ai pas complètement abandonné. J'en ai fait pas mal quand j'étais assez jeune, mais notamment à l'étranger, beaucoup en Asie. Et puis, j'ai repris, il n'y a pas si longtemps, j'étais prof à Sciences Po pendant 2 ans ou 3 ans, à l'école de journalisme, où j'ai rencontré des étudiants qui avaient envie de briser leur chaîne un peu. L'enseignement du journalisme, on pourrait en parler d'ailleurs. On en parle un tout petit peu en ce moment, mais l'enseignement du journalisme est quand même très formaté, quoi. Et c'est vrai que des gens comme moi, on apporte un pas de côté, un regard sur la longue traîne, un regard différent, monté différemment, regardé différemment, filmé différemment. De façon à ne pas laisser le sensation que nous saurions de quoi il est question, et en excluant ceux qui nous écoutent, sous peine d'être qualifiés à juste titre d'entrisme. Quand vous dites la formation, elle est un peu convenue. Est-ce qu'à partir peut-être d'un exemple, non pas en désignant quelqu'un, mais d'un type de scène que vous pourriez imaginer, vous pourriez donner à comprendre et une meilleure illustration à ceux qui nous écoutent? Un exemple simple et qui est d'actualité, la pédophilie dans l'Église. Voir comment elle est traitée dans les infos, on va dire, comment elle est reformatée dans les infos. C'est l'un contre l'autre, c'est la bataille, c'est le combat, et la façon dont les documentaires en parlent. C'est extrêmement différent. Le regard est très très différent. La longueur, la douleur dans les JT, dans les chaînes d'infos, la douleur, ça n'existe pas. Il n'y a que le combat qui compte. Donc c'est un exemple pour moi qui me vient vraiment à l'esprit et qui est très fort puisque c'est totalement dans l'actualité. Voilà, c'est et ça, on a du mal à le faire passer dans les instituts de formation du journalisme. Dans votre travail, quand vous avez les étudiants en face, est-ce que vous vous confrontez également à, j'allais dire, la question de la question? Qu'est-ce qu'on questionne? Comment on questionne? Bon, c'était pas exactement l'objet de ce que je faisais avec eux, mais évidemment que la question de la question, c'était finalement la question du regard. Où est-ce que je me place? Où est-ce que je me mets? Et qu'est-ce que j'interroge? Est-ce que j'interroge le combat lui-même ou est-ce que j'interroge la façon dont je raconte ce combat? Bon, évidemment, le journaliste, même expérimenté, se pose plus ces questions-là. D'abord parce que ça va trop vite, parce que le challenge est trop puissant, parce que la marche de l'info et la marche du temps vous oblige à ne pas vous arrêter. Enfin, vous oblige à continuer à produire. Je crois qu'une des grandes problématiques des formations de journalistes aujourd'hui, en tous les cas, telles que moi je l'ai vécu, c'est que il y a cette obsession, ça vient beaucoup des parents, hein, d'avoir un boulot en sortant. Et qui embauche ? Avez-vous déjà été tenté, et puis avez-vous pu, si jamais c'était le cas, le réaliser, pouvoir arriver à avoir une approche multiple, pas seulement en faisant parler autour d'un même sujet des protagonistes exprimant leur opposition, mais justement en essayant, vous, d'intégrer peut-être des entrées différentes ? Alors, j'ai pas du tout cette approche-là, moi. J'ai une démarche journalistique quand j'enquête, quand je cherche à obtenir la parole des gens. Bien entendu, qui est la meilleure personne pour parler de tel ou tel compartiment du sujet ? Je suis dans une position d'enquêteur, donc de journaliste. À partir du moment où ce travail est fait, c'est un travail de fond qui est assez long, je change complètement de position. Je suis plus à la même place. C'est-à-dire que les choses sont en place et je suis presque l'opposition de moi-même. C'est-à-dire que si on prend le cas de Trudeau, dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Bon, Trudeau ne me parle pas. Justin, faut-il préciser. Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, refuse de me parler. Donc, évidemment, une démarche normale. Vous faites le portrait de quelqu'un, vous lui demandez s'il accepte de s'entretenir avec vous. Il refuse. Et on insiste beaucoup. Pour moi, ça n'est pas une partie de l'histoire. Mais ça pourrait. Pour certains, ça pourrait être une partie de l'histoire. Pour moi, ça n'est pas une partie de l'histoire. Je considère que ce côté cuisine n'a pas lieu d'être dans un film qui essaie d'être plus grand que son sujet, enfin, qui essaie d'avoir plus d'ambition que son sujet. Mais je peux comprendre que quelqu'un d'autre aurait pu utiliser ça en disant « il a refusé de nous parler ». Mais il a refusé de nous parler. Donc il libère, d'une certaine manière... Il ouvre quelque chose, en effet. Voilà. Il libère un champ qui est bah, « je n'ai plus d'opposition ». Si je trouve quelque chose qui est pas terrible, soit dans sa vie, soit dans sa conduite ou dans son parcours politique, ben qui va s'opposer à moi ? Je vais demander donc à ses séides, hein, ses représentants, le président de son parti, la présidente en l'occurrence, de parler pour lui, mais ça me convient pas. Donc je deviens moi-même, d'une certaine manière, son porte-parole et son opposant en même temps. Après 2 années de pouvoir, le Premier ministre canadien Justin Trudeau est à la croisée des chemins. Avec son énergie, son charisme, son image positive et son amour de la diversité, il a soulevé un immense espoir et remis son pays sur la carte du monde. Justin Trudeau n'a pourtant pas encore marqué de son empreinte l'histoire du Canada. Contrairement à son père, Pierre Elliott Trudeau, resté 16 ans à la tête du pays entre 1968 et 1984, est considéré comme une figure historique du Canada moderne. Plein de charme, c'est Pierre Elliott Trudeau qui, en son temps, avait lancé la mode des premiers ministres séduisants. Pierre Trudeau était une star de la politique, un homme de lettres. Il avait une posture très différente de celle de Justin Trudeau. Son père détestait les bains de foule, les embrassades ou les selfies. Leur donner une tape dans le dos, parler de leur famille ou demander ce qu'il en était. Il n'avait pas la conversation badine facile. Ma première rencontre avec Justin a été à la une d'un journal. Le fait que le Premier ministre, à l'époque, ait eu un fils et le jour de Noël qui plus est, c'était à la une de tous les journaux. Pierre Trudeau était un politicien charismatique. Il était très progressiste. Il a fait entrer le Canada dans une nouvelle ère. On parle des droits des femmes, du divorce. C'est lui qui a commencé à dépénaliser l'homosexualité. Monsieur Trudeau, nous n'autorisons pas l'homosexualité. Nous disons simplement que nous n'allons pas punir, nous n'enverrons pas de police dans les chambres à coucher pour voir ce qui se passe. Entre adultes, majeurs, consentants, en privé, 2 personnes. Trudeau avait employé « nous sommes radicalement au centre ». C'est-à-dire, nous ne sommes pas un parti doctrinaire. We now have a charter which defines the kind of country in which we wish to live. Si vous demandez aux gens au Canada ce dont ils se rappellent le plus de Trudeau, c'est la charte des droits et des libertés qui était intégré dans la Constitution du Canada adoptée en 1982. C'est fondamentalement des garanties constitutionnelles des libertés fondamentales des Canadiens. Un premier extrait du documentaire de Gilles Cayette, documentaire dont vous allez nous donner le nom, que l'on pourra voir dimanche soir sur RTS2. Alors, ça s'appelle Justin Trudeau, l'autre Amérique. On est étonné qu'un homme comme ça, si rompu, on va avoir l'occasion de le dérouler un peu plus, parce que je ne suis pas certain qu'il soit familier à bon nombre d'entre nous. Moi-même, j'ai largement découvert une partie de sa biographie au travers de votre travail, Gilles Cayette. Mais un homme aussi gourmand, amateur de communication et de médias, qu'il refuse un entretien, s'il en a donné des motifs, vous avez peut-être la réponse. Non, ça n'a jamais été vraiment motivé. Agenda, enfin le truc classique des hommes politiques qui veulent pas parler. Je pense qu'il y a plein de raisons. D'abord, le film lui est consacré, mais il n'y a pas que lui qui parle. Donc sa parole, il le savait, je lui avais pas caché, aurait été de toute façon confrontée à celle des autres, même à des problématiques qu'il traite, qu'il a eu à traiter au quotidien. Alors, je dirais que sur la partie biographie pure du film, c'était moins grave, assez factuel d'une certaine manière. Je dirais que sur la partie plus politique, ça devenait plus compliqué. Ensuite, il y a un tropisme français au Canada qui veut que le français donne des leçons aux Canadiens. Le côté grand frère. Rassurez-vous, ce n'est pas seulement de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, c'est vrai. Du côté des Alpes, on se dit ça aussi. Oui, voilà. Et du Jura. Oui, oui, le côté grand frère, le côté arrogant, le côté coq. La morgue du français, quoi. Et alors, les Canadiens, ils ressentent comme les Suisses ou les Belges, pas très bien, au nom d'une suprématie du langage. Moi, très vite, ce problème-là, je m'en suis débarrassé. Je ne fais pas un film sur Trudeau, le Québécois. Je fais un film sur le Canada. Et la problématique du Québec, qui est extrêmement importante, enfin, que je ne nie pas, n'existe pas dans le film. C'est pas le sujet. La problématique de l'indépendance, la problématique de la langue, toutes ces problématiques-là, spécifiquement québécoises, c'est un vortex absolu, c'est une espèce d'aspirateur qui, en fait, empêche de parler d'autre chose, de choses qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. C'est le Canada, quoi. Le Canada, c'est un pays immense. Donc déjà, ça, moi, je n'ai pas réussi à faire passer cette problématique-là, cet argument-là. Je l'ai écrit, mais quelque part, je n'ai pas été entendu par le cabinet et par la communication de Trudeau. Ils se sont dit, français... Troisième chose, je sortais du film sur Erdogan. Vraiment, j'ai enchaîné presque les deux. Vous aimez les contrastes. Ouais, voilà. Et je pense qu'ils l'ont vu. Moi, je leur ai envoyé, en tous les cas. Et le film, il est dur. Ils se sont dit, il est dur. Donc si on lui parle, on va se faire contrer, sans doute. Et donc on préfère ne pas parler. Je pense que c'est une erreur majeure. Je conseillerais à tous les dirigeants dont on tire le portrait de parler. Voilà, vous êtes avertis. Hein. Vous voilà, qui êtes à l'écoute. Mais il faut parler. Parce que parler, ça m'empêche, moi. Ça m'oblige. Je parle de quelque chose, qu'est-ce que vous en pensez? Je parle d'autre chose, qu'est-ce que vous en pensez? Donc quelque part, vous m'empêchez. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait faire à l'époque, mais certainement pas devenir Premier ministre. Il est passé par plusieurs boulots, il a étudié différentes choses, il a fait des études d'anglais, il a été prof au lycée, il a été barman, il a été prof de snowboard, il a voulu être astronaute, il a laissé tomber, ingénieur, non, il a fait plein de trucs. Je ne me souviens plus, mais politicien, c'était pas en haut de la liste. Le problème de Justin, c'est que les gens le sous-estimaient et ne le considéraient que sur son nom. Le fils de Pierre Trudeau, un mec mignon, pas très fiable et gros fêtard. Moi, c'est la curiosité, mais j'aime beaucoup Justin. Puis j'ai toujours aimé les enfants Trudeau. Lui tenté par la politique, vous êtes sérieux? Genèse de cette histoire, comment ça vous vient? C'est vous qui, un beau jour, survolant l'Atlantique, vous dites « mais on n'a pas encore fait un documentaire, ou en tout cas depuis fort longtemps, sur le Canada, et si je m'y jetais ?» Ou bien on vous appelle en vous disant « j'ai un formidable projet à te proposer, viens de suite !» Alors, en fait, je suis en train d'écrire, après Erdogan, je suis en train d'écrire un film sur Benjamin Netanyahou, encore un formidable démocrate. Et ma productrice me dit, Netanyahou, ça va prendre du temps. Qu'est-ce que tu penses de travailler sur Justin Trudeau? Et au départ, j'étais assez réticent parce que Trudeau était élu depuis un an, 18 mois à peu près, un peu moins. Donc demande en 2016 à peu près. C'était en début 2017, au moment de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Qui ça? Ah oui. De Donald Trump, le nouveau président américain. J'ai encore du mal à dire ça d'ailleurs. Et donc ça passera. Je me suis dit, 15 mois au pouvoir, bon, on va pas pouvoir faire vraiment de bilan sur sa politique en tant que Premier ministre. Qu'est-ce qu'on a raconté? Donc j'ai un peu fouillé. Et je trouve que effectivement, on parlait beaucoup de cette passerelle qu'il y avait entre Macron et Trudeau. Bon, je crois que c'était vraiment de l'affichage, hein, parce que les deux hommes n'ont vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup de points communs. D'ailleurs, ils ne s'entendent pas très bien. On mettait sur le même plan des histoires de jeunesse, le côté de la jeunesse, le look, le marketing, la façon dont ils se vendaient, le libéralisme aussi, le centrisme. Le Parti libéral au Canada, c'est un parti centriste, hein. Ils sont entre la gauche et la droite. Donc Macron était dans cette mouvance-là, donc ça, politiquement, et on peut dire que... Mais le libéralisme canadien et le macronisme, si on peut appeler ça comme ça, en France, c'est quand même très différent. Mais il y avait quand même des similitudes, cette idée que, quelque part, c'est Jean Chrétien qui dit ça dans le film à un moment... Moi, on me demandait, qu'est-ce qu'un libéral? Je disais, ben... Quand les gens de la gauche disent que vous êtes de la droite et quand les gens de la droite disent que vous êtes de la gauche, vous êtes un bon libéral canadien et chrétien en plus. Donc vous êtes toujours dans cette espèce de... Voilà, en général, on fait campagne à gauche et on gouverne à droite. Bon, c'est un peu ce qu'a fait Macron, d'une certaine manière. Petite campagne à gauche, bon gouvernement de droite. Et on inverse la problématique à l'élection suivante. Parce que la politique de droite a peut-être laissé un peu de marge pour pouvoir faire une politique de gauche. Là, on va continuer sa campagne à droite et on va faire plutôt un gouvernement de gauche sur le deuxième mandat. Donc... Il faut peut-être préciser, si vous en êtes d'accord, Gilles Cayatte, vous qui avez eu l'occasion de vous pencher dessus, avoir un tour d'horizon de ce que c'est que le paysage politique du Canada. Déjà, sur la longueur, on peut dire que il y a effectivement un système de partis qui s'opposent. Vous nous préciserez lesquels, tripartisme, mais vous nous dites avant l'ouverture de ce micro. Déjà, ces trois partis-là, ces trois branches, quelles sont-elles et que représentent-elles? Alors, le Parti libéral canadien, qui est représenté aujourd'hui par Justin Trudeau et qui est au pouvoir, a dominé, grosso modo, tout le XXe siècle. Il est resté au pouvoir avant de perdre le pouvoir contre, je crois, Brian Mulroney dans les années 80, qui était, lui, de droite. Conservateur. Le conservateur, donc. Mmh. Le Parti libéral avait gouverné 80 ans, sans quasiment discontinuer. Donc c'est un parti vraiment fondateur, je dirais, du Canada moderne. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que l'histoire du Canada moderne est aussi marquée par la discrimination faite aux autochtones. Et donc le Parti libéral est responsable, non seulement responsable, il est, je dirais, le chef d'orchestre de cette discrimination. Bon, c'est un autre sujet, mais bon, voilà. Donc le Parti libéral, c'est un parti centriste, comme on l'a dit, un peu à gauche, côté social, évidemment, un peu à droite, côté économique, c'est bon, une rhétorique centriste bien connue. À droite, vous avez donc le Parti conservateur, un peu modelé sur le Parti conservateur britannique, hein, très à droite, économie libérale, sans foi ni loi, dérégulation, aujourd'hui déni du réchauffement climatique, un peu à la Trump. D'ailleurs, Stephen Harper, hein, qui était le premier ministre auquel Justin Trudeau a succédé en 2015, après avoir été élu, était, on peut dire... peu de gens le disent, mais était une sorte de bande-annonce de Donald Trump aux États-Unis, notamment en termes de dérégulation sur le climat. La COP21 représente une occasion pour les dirigeants de surmonter les anciennes divergences pour conclure un accord ambitieux et significatif et tracer la voie la plus efficace Trudeau pour l'avenir. Trudeau est arrivé avec une intention louable et une attitude positive à Paris, où il a aidé à la conclusion de l'accord de Paris. Canada is back, my good friends. We're here to help. On avait tout d'un coup un gouvernement qui consulte énormément, qui rencontre les groupes environnementaux, qui a un rôle proactif au niveau international en termes de lutte contre les changements climatiques. Donc un discours rafraîchissant et une attitude positive. Eh bien, malheureusement, concrètement, il n'a pas livré la marchandise. The government of Canada has approved the Kinder Morgan Trans Mountain Expansion Project. Même pas un an après la conférence de Paris en 2015, le gouvernement Trudeau avait approuvé deux mégaprojets de pipeline. Donc, a littéralement fait le contraire de ce qui est exigé sous l'accord de Paris. le contraire de ce qu'il se proclame comme étant le leader au niveau international. Nous avons fait campagne en nous engageant pour la croissance économique et la protection de l'environnement. Nous croyons que ces deux engagements peuvent être tenus. Vous pouvez autoriser des pipelines et protéger l'environnement. C'est pas facile. Gouverner n'est pas facile. Donc vous devez faire des compromis. Oui, je crois. Opposé au protocole de Kyoto. Il n'a pas signé Kyoto. Plutôt soutien à Israël, ce qui fait que le Canada se retrouve un peu dans un isolement international en son temps. Ça n'empêchait pas de vendre des armes en Arabie Saoudite non plus. Hein. Enfin bon, voilà. Et puis surtout, il a dérégulé énormément à l'intérieur. Il faut se rendre compte que le Canada, c'est le deuxième pays le plus grand au monde. C'est 2 millions de lacs. Donc il y a beaucoup d'eau. Et beaucoup d'eau régulée, beaucoup d'eau où on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais c'est aussi un énorme producteur de gaz et de pétrole. On ne peut pas aller le chercher n'importe où. Cette eau, c'est aussi de l'énergie en puissance. On ne peut pas construire des barrages. Bon, donc voilà, il a beaucoup dérégulé l'ami Harper. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Justin Trudeau n'a pas re-régulé derrière. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas remis des barrières à l'exploitation forestière, à l'exploitation de l'eau depuis son élection. Et à gauche, il y a le NDP ou le NPD, selon qu'on parle français ou on parle anglais. Donc, The New Democratic Party, ou le Nouveau Parti Démocrate, qui est le parti de gauche, on va dire, un peu le parti socialiste, en fait, français, pour faire clair. Donc, c'est une gauche social-démocrate, c'est pas ultra-violent, mais ça n'a jamais gouverné le Canada. Jamais. On pensait qu'en 2015, ils allaient gagner, mais au bout du compte, c'est Trudeau et une campagne sans doute plus maligne, plus forte, plus intelligente, et qui s'appuyait beaucoup plus sur la modernité, les réseaux sociaux, qui lui a permis de gagner. L'équipe numérique de Barack Obama avait conçu des outils novateurs et efficaces pour identifier les électeurs potentiels et les convaincre d'aller voter. J'ai donc contacté l'équipe d'Obama pour emprunter leur méthode. C'est la prise de données, donc aller aux portes au bon moment, évidemment, que ça soit l'heure du dîner ou peu importe, où les gens sont joignables ou plus susceptibles de causer. Et ensuite, de noter des données. Donc, est-ce que ce sont les gens, de quel âge, est-ce qu'ils ont des enfants, etc., des trucs qui peuvent sembler anodins, généralement, mais qui ont un impact sur la façon dont on sort notre message. Go knock doors! Nous avons pu alors cibler nos messages vers les électeurs prêts à voter pour nous, au lieu de perdre de l'argent à parler à nos adversaires. Nous n'avons pas gagné en appliquant je ne sais quel élixir numérique. En fait, nous avons construit une machine faite d'algorithmes, de données, de modèles mathématiques, et nous avons utilisé cette machine sans relâche. Avant que l'économie ne dicte le politique, les partis politiques ont, pour cela notamment, et notamment aussi bien le Parti libéral que le Parti des conservateurs, des histoires qui sont assises aussi sur le regard social vis-à-vis du pays. Qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que vous savez, vous, Gilles Cayette, de ce regard-là? On comprend très bien qu'effectivement, l'aspect ultralibéral avec les partis conservateurs, mais cet ultralibéralisme, il est tardif dans le XXe siècle, si j'ose dire. Précédemment, non, vous semblez faire un nom de la tête, vous opinez du bonnet de manière latérale. Le Canada, évidemment, comme tous les pays, hein, la Suisse, n'importe quel autre, est un pays extrêmement complexe, de par sa taille, évidemment, de par sa diversité aussi, beaucoup d'immigration. Et puis, c'est un pays qui est étrange parce que ils sont 38 millions sur un pays immense. Bon, vous allez me dire, les trois quarts du pays ne sont pas occupés. Certes, c'est vrai. Puisque, en fait, 98% de la population canadienne vit sur une bande de 200 km au-dessus de la frontière américaine. Parce qu'au-delà, il fait quand même plus frais. Il fait quand même froid de gueux. Donc, en fait, tout le monde est concentré là, cette ceinture-là, sur la plus longue frontière terrestre du monde, hein, 8000 km de frontière. Hein, c'est, avec les États-Unis, c'est énorme. C'est gigantesque. Donc c'est un pays qui est extrêmement perméable à la culture américaine. Mais plus que perméable, c'est un vassal, on va dire, culturellement, même si voilà, le Canada fait ce qu'il peut pour exister, être très indépendant, les institutions sont différentes, il y a une vraie culture au Canada. au niveau culinaire, on va dire que c'est moins fort. Mais bon, il y a quand même voilà des grands écrivains canadiens, des grands poètes, des grands chanteurs. Il y a une culture qui s'exprime. Et évidemment, il y a tout le particularisme du Québec qui est en plus. Donc voilà, pays complexe qui a besoin de gagner beaucoup, beaucoup d'argent pour maintenir tout ça. C'est un pays qui a besoin d'être une économie florissante. Et l'ultralibéralisme lui a toujours permis, je dirais, d'une certaine manière, d'avoir cette économie très dynamique. Le Canada fait partie du G7, donc c'est un des grands pays du monde, malgré tout, avec à peine 40 millions d'habitants. C'est une vraie performance. Pourquoi ? Parce que des ressources naturelles, enfin, presque illimitées, très difficiles à aller chercher, mais très nombreuses, et en très grande quantité. C'est donc un pays de western, parce que la ressource naturelle, faut y aller quand même. Voilà, ils ont peur de rien, le Canada. Un tiers de l'Alberta est sens dessus-dessous à cause des sables bitumineux. C'est un des plus grands champs de pétrole du monde, qui est le plus polluant au monde. Et ce pétrole, il est... Quand est-ce qu'on découvre le pétrole a commencé en British Columbia, enfin, dans les années 50, un peu comme à la Texane. Des puits, on va chercher. Et puis, le sable bitumineux, c'est plutôt les années 80. À partir des années 80, qu'on commence à comprendre qu'on va pouvoir transformer cette espèce de mélasse en pétrole. Mais quand réalise-t-on véritablement la gigantesque ressource dont il dispose? Vous vous souvenez des grands incendies de Fort McMurray ? Depuis le début de la semaine, 2000 bâtiments sont déjà partis en fumée. Et le feu continue à dévaster les forêts autour de la ville. Le danger ne faiblit pas. Le feu a ravagé une surface grande comme la ville de New York. Et malgré les efforts de 1200 pompiers, il pourrait encore doubler de taille. Nous suivons étroitement la situation. Vu les hautes températures et le vent qui change rapidement de direction, nous encourageons toutes les personnes évacuées à faire attention. Des évacuations qui se poursuivent. Dans la Fournaise, la population fuit à la hâte sous escorte policière. Le chemin est dangereux. Le convoi est interrompu face à la fumée et des flammes de 60 mètres. 100 000 personnes ont déjà été évacuées ces derniers jours. Quelques 1600 constructions auraient brûlé selon les premières estimations. Le gouvernement a débloqué des fonds d'urgence pour aider les évacués à subvenir à leurs besoins et des appels à la générosité ont été lancés dans tout le Canada. Les Canadiens parlent d'un monstre de feu, un monstre qui pourrait bien mettre à terre tout un pan de leur économie, puisque c'est ici, dans cette province de l'Alberta, que bat le cœur de l'industrie pétrolière du pays. Et ces dernières heures, l'incendie s'est rapproché d'importantes exploitations au nord de Fort McMurray, la plus proche à 25 km de là. La plupart des employés ont été évacués. Conséquence, une chute de 40% de la production de pétrole, 1 million de barils en moins par jour. Un coup dur, un de plus pour ce secteur déjà laminé par l'effondrement du brut ces deux dernières années. Autrefois, les sables bitumineux valaient à cette région le titre d'Eldorado pétrolier. Aujourd'hui, la troisième plus grande réserve d'or noir du monde est au plus mal. Fort McMurray, c'est la capitale du pétrole de l'Alberta. C'est-à-dire à l'aube des années 2000, et même sans doute un peu avant, quand les prix du pétrole ont augmenté de manière phénoménale, et qu'on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher ce pétrole-là en termes de coût de production ? Est-ce qu'on y gagne, certainement, ou est-ce qu'on continue à importer ce pétrole dont on ne connaît pas la stabilité en termes de prix ? Donc est-ce qu'on cherche à être autonome, quel qu'en soit le coût, quel qu'en soit le coût pour l'environnement ? Malheureusement, c'est le choix que le Canada a fait, et qu'il le paye très très cher aujourd'hui. Donc voilà, c'est un pays de western un peu quand même, un peu. Assez vénal, j'ai trouvé. C'est sur ce compliment à peine dissimulé, Gilles Cayette, que nous allons nous quitter aujourd'hui et on se retrouvera demain pour aligner un peu plus précisément le profil de Justin Trudeau. À demain. Cet épisode était mis en onde par Jérôme Nusbeau.